Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit une formation monstrueusement bonne pour parler des soirées cachées, c'est fou. Et on parle avec Fabien Toupin du QTR en spectacle. On apprend des choses grâce à cet un fait. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi et mercredi, oui, 7 mars 2012. Mercredi, la semaine. Mercredi. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. On t'en dirait les studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Et François, ça va être que toi et moi aujourd'hui en studio. Ouais, mano à mano. Mano, mano. Oh, et pour œil dans pour dents, hein. Pareillement. Pareillement grande. Oui, et donc, pareillement grande, exactement. On n'a pas de chroniqueur en studio aujourd'hui, donc on oublie Jasmine Raymond-Drainville qui va être de retour la semaine prochaine. Pour on oublie aussi. La dernière fois, sûrement. Oui, on oublie aussi Anne-Julie Durocher. Oui, de la GAUQTR. Qui ne parle pas de la GAUQTR aujourd'hui. C'est ça. La semaine prochaine, encore une fois. On n'a personne donc de chroniqueur, mais par contre, on va avoir de bonnes choses à vous présenter et tout ça par téléphone. On va avoir enfin une émission, deux entrevues. Commençons à 8h30. Oui, on va recevoir à 8h30 Fabiola. Non, c'est pas vrai. Fabiola Toupin. Désolé, je me suis mêlé entre les deux. Fabiola Toupin qui nous parle du cutter en spectacle, en fait. Fabiola Toupin qui est la porte-parole du cutter en spectacle. Donc, on va savoir c'est quoi, c'est quand, c'est où et pourquoi. Pourquoi, surtout pourquoi. À 8h45 ensuite. On a créé un monde. Oh, calme, non, le formation dit. Qui roule beaucoup, assez fou. Oui. D'ailleurs, qui va être lundi prochain en spectacle, ici même à l'UQTR, dans le cadre des soirées cachées de C'est Fou. Oui, soirée cachée à un endroit à déterminer plus tard. Ouais, c'est ça, exactement. Et quand on garde un petit suspense, on dit pas la place. On sait que c'est tard et que c'est dans un local d'université. Ouais, ça commence, ça devrait commencer vers les 22h. Aussitôt que les monstres sortent. Exactement. C'est à peu près à cette heure-là. Donc voilà pour le plan de l'émission d'aujourd'hui. On va aussi avoir la chronique C'est un fait. On commence avec Mauve, par contre, sur leur album Cinéma Plymouth. Voici Madeleine. Madeleine, tu me fais de la peine quand tu embrasses les autres garçons. Fais des vrilles pour quelques billes. Oh Madeleine, tu fais ta vilaine en volant le charme des moments d'un bel été à tes côtés. As-tu pour une fois m'inviter à marcher pieds nus sur le quai, loin de tous tes prétendants. Sur l'arc-en-ciel, oh Madeleine, ton bouquet verveine m'enlace en engelant mes sens qui en néglige tes basses voltiges. Vas-tu une autre fois? to the wind, it's an empty cold outside. I sent you back just the smoothest rock I could find, accompanied by just a couple of words came to mind. It's an old concept, sending letters again. Well thought out, rehearsed and written in pen. Paperless here is a thing of the past. Cutting down trees and using our guys. So we've got Mandarax, loveless sex and inflammation passing right through our skin and Kennedy par Set the Whale à Assemblage Requis sur C'est Fou 89 FM. Oh oh. Merci Mathieu. Hey, fait plaisir. Hey Mathieu, écoute, si on parlait des choses qui s'en viennent sur le campus, mais... qu'est-ce que t'en penses? Mais... ouais, ok, parfait. Mais non, ça tente pas? Oui. Oui. J'ai hâte. T'avais pas l'air convaincu. Ouais, ouais, ben non, c'était le choc de l'annonce de la nouvelle. C'est vraiment un très gros choc. Hein? Oui, vraiment. Écoute, on commence déjà loin. On commence déjà le 11 mars. Et ça va être un match de soccer féminin au centre Alphonse Desjardins. Et ça se déroule à partir de 14h. Du soccer fem, finalement. Du soccer fem, exactement. C'est les Patriotes qui recevront les Stingers de Concordia au centre Alphonse Desjardins, comme je le disais. Et c'est la série quart de finale. Donc, quart de pirate? Quart de finale. Quart de finale. Quart de finale. Donc, quart de pirate ne sera pas là. Du moins, c'est pas mentionné. Un quart de pirate ou un quart de pirate, c'est pas pire aussi. Ça n'a pas rapport. Ouais. Ou un cœur, tout simplement. Ouais, sûrement. Et puis, je te parle encore de sport, toi qui raffoles de sport. Et ça se déroule encore le 11 qui tombe dimanche, c'est bien ça? Je te dis ça dans deux secondes. Je suis pas capable, moi, de la date. Oui, c'est dimanche. OK, et ça se déroule, c'est les Patriotes hockey qui affronteront dans leur série dernière chance là, d'obtenir leur laissez-passer pour participer au championnat canadien. Les enjeux sont là pendant. Hein? Oui, c'est ça exactement. Donc, c'est un match suicide contre les Lancers de Windsor. Donc, dimanche 11 mars à 14h au Colisée de Trois-Rivières, comme on l'avait mentionné hier. Et puis, un soccer masculin du côté du centre Alphonse Desjardins. Et ça se déroule toujours le dimanche 11 mars. À 16h, c'est les Patriotes qui débuteront leur parcours en vue de reconquérir le championnat provincial en affrontant leur bête noire, les Stingers de Concordia. Donc ça, c'est le soccer masculin. Et puis, je te parle d'une activité qui va se dérouler à partir du dimanche 11 mars au 16 mars, qui devrait donner jeudi, si je ne me trompe pas. Le 16, c'est vendredi. Ah, vendredi, bon, je me suis trompé, t'approches. Et ça commence à 17h ici même à l'Équateur. C'est la campagne de 5 Days for the Homeless. Tu te rappelles? Oui, 5 jours pour les sans-abri. Là, c'est ça, exactement. C'est des étudiants qui restent dehors et... C'est ça, exactement. Ça a été fondé en 2005 par des étudiants de l'école d'administration de l'Université d'Alberta. Et c'est organisé un peu partout à travers le Canada. Il s'agit d'une campagne de financement d'une durée de 5 jours pendant lesquels des étudiants de l'UQTR, en fait, choisissent de vivre comme des sans-abri sur le campus. Donc, on n'a pas le droit de se laver. Tu te rappelles-tu des règlements? Je sais qu'ils sont obligés d'aller à leur cours, il me semble. Oui, ça, il faut. Le reste du temps, ils doivent dormir dehors. Oui, ils doivent se faire donner des choses. Ils peuvent pas aller acheter quelque chose. Non, c'est ça, exactement. Je pense qu'ils doivent quêter pour s'ils ont faim. Du café ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Se garder au chaud. Oui, exactement. Donc, le financement, la collecte de dons, sera remis à l'organisme régional qui travaille contre l'itinérance. Donc, ici, à Trois-Rivières, on parle du Havre, évidemment. C'est pour sensibiliser aussi les étudiants à la cause là, des sans-abri, ouais. Comme quoi que ça existe, et puis ces trucs-là. Donc, c'est pas parce que tu les regardes pas que ça n'existe pas. Ouais, on pourrait peut-être en recevoir. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être intéressant, en fait, de parler avec eux autres. Si vous voulez les contacter, il y a une adresse courriel, évidemment. C'est 5, comme le chiffre, 5, days.uqtr@commercial.gmail.com. Évidemment, ils ne peuvent pas aller voir leur courriel pendant la... Non, mais ici, à l'université, jours. Ils ont accès... Ils ont droit? Ben, oui, ils ont accès aux ressources de l'université, donc... voilà. Comme les vrais sans-abri. Hein? Comme les vrais sans-abri. Ils peuvent rentrer dans le centre d'achat. Ouais. Hein? Hey, ils peuvent aller se faire masser sa petite chaise qui masse ton derrière. C'est le fun, ça, par exemple. C'est passé. Ah ouais, ouais, ouais. C'est cher, ça dure pas longtemps, mais... C'est ça. Mais, tu sais, une fois de temps il y a des choses comme ça qui coûtent cher et qui durent pas longtemps. Hein? Comme quoi? Je sais pas. Ouais. Bon. Fait que voilà, en fait, c'est un peu ce qui se passait sur le campus. Évidemment, la semaine prochaine, on fera le tour plus exhaustivement. Là. Merci, François. Fait plaisir, Mathieu. Ouais. Alors, on retourne en musique, entendre du Library Voices et on varie. On n'écoutera pas l'extrait du palmarès qui est en ce moment Traveler's Digest. À la place, voici Me, Myself and I, D au 89 FM. Keep a record of your Regarder toute la journée, rien à faire d'autre qu'à s'aimer. Mon amour, endormi à moitié réveillé, de peur de trop nous manquer. Mon amour. Pour me continuer de rêver, mon amour. Ne plus jamais se quitter, ça ne pouvait pas durer. Mon amour, pardonne-moi si tu savais. Pour toi, j'aurais. J'aurais mieux fait de m'écouter, mais j'ai eu peur de m'avouer la vérité. Mon amour, c'est plus la peine, plus la peine. J'ai préféré me défiler. Mon amour, pardonne-moi si tu savais. Pour toi, j'aurais. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. À quoi ressemblerait ma vie? Si parce que je t'aime, j'oubliais tout ce que je suis. Pour toi, j'aurais voulu changer. J'ai menti, je peux pas tout abandonner. Maï-Pierre Arthur et la pièce « Si tu savais » sur l'album « Aux alentours » à Assemblage requis. Maintenant, François-Louis Marchand, tu as quelque chose à nous dire, une révolution technologique dans le domaine de l'automobile. Non, mais c'est pas une révolution, mais en fait, c'est une belle initiative et puis je trouve ça quand même cool. C'est Mercedes-Benz qui ont... Le groupe de Jean-Marc Parent, ça? Non, la marque d'auto. Ah. La marque d'auto, Mathieu Plante. Non, mais en fait, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis... Ils ont mis au monde, si je peux dire ça. Ils ont accouché. D'une auto totalement sans gaz à effet de serre, là, sans de pollution. Zéro. OK. Zéro. Donc, c'est pour ça qu'ils l'appellent l'auto invisible, dans le sens qu'elle laisse aucune marque en environnement, elle est invisible. C'est un peu le concept qu'ils ont eu. Bonne idée. Et puis, pour faire le concept, en fait, d'un côté de la voiture, ils ont tapissé en fait de LED là, complètement. Des petites lumières, ouais, c'est ça, électroluminescentes. Ça fait comme un grand écran là, mais tu sais, modelé à la forme de l'auto, ouais. En fait. Et de l'autre côté de l'auto, ils ont mis des caméras pour refléter en fait ce qu'il y a de l'autre bord là, en fait. OK. Ce qu'on manque en fait là, du passage de l'auto. Donc en fait, ça fait une auto invisible. C'est donc bien drôle. Mais c'est très cool. Ah, écoute, wow. Ouais, je le poste sur Assemblage requis en fait là, Facebook. Facebook, ouais, c'est ça exactement. Allez voir ça, c'est vraiment cool et ça se passe en Allemagne. Donc, qui ont fait le tour de la ville pendant une semaine et puis tu vois la réaction des gens, ils en reviennent tout simplement c'est pas. C'est bizarre, j'aime ça. Ouais, ça a l'air dangereux un peu. non? Ben, c'est dangereux dans le sens où, tu ne vois pas par la vitre. Le conducteur ne voit pas par la vitre. De son côté à lui. Ouais, c'est ça, la vitre de son côté à lui. Mais, tu sais, c'est une campagne de publicité, là. C'est sûr qu'il était entouré par un auto en avant, un auto en arrière. Puis, il savait où il s'en allait, là, en fait. Là. Fait que c'était pas dangereux à ce sens-là, mais ça ne roule pas super vite, là. Mais complètement, une auto anti-pollution, déjà ça, c'est très cool. Ouais. Ça ne doit pas faire beaucoup de bruit non plus, étant donné que c'est un... Ouais, c'est ça, exactement. C'est électrique, donc... Voilà. Bonne nouvelle, Alex. Allez voir ça, ça vaut la peine. Facebook.com, et puis écrivez donc « Assemblage requis ». Tout de suite après. Donc, nous, on va en bloc de demandes spéciales. Une fois de temps en temps, de me faire ça, parce qu'on en reçoit à tous les jours. Et notre demande spéciale provient cette fois-ci de Jonathan. Oh! Hey, Joe! Les gros Joe! Non, excuse-moi. C'est pas ça. Donc, deux demandes spéciales et on parle d'un bloc composé de filles. OK. De femmes. OK. On va entendre là-dedans du Tori Amos plus tard, mais on débute avec Fiona Apple. Voici Criminal sur C'est fou. Cause I'm feeling like a criminal. nothing here to fear. I'm just sitting around being foolish when there is work to be done. Just a hang-up call and the quiet breathing of our Persian we call Cajun on a Wednesday. So we go from here to here with cigarettes we've been keeping, though you say you're not a temper man. Seems as if we're circling for very different reasons, but one day the eagle has to land. The fountain I left by the station. I start the day in the usual way, then think, well, why not, and stop for a coffee and begin to recall things that you say. No one's at the door. You suggest a ghost, perhaps a phantom. I agree with this in part. Something is with us, I can't put my finger on a Thumbelina's ice turn on a Wednesday. So we go from year to year with cigarettes we've been keeping, though you say you're not a temperament. You tell me to cheer up, you suspect we're oddly even. Even still the eagle has to land. The fountain I left by the station. I start the day in the usual way, then think, well, why not, and stop for a coffee and begin to recall things that you say. Pluck up the courage and snap, it's gone again. I start humming when doves cry. Can someone help me? I think that I'm lost here, lost in a place called America. Tori Amos, c'est la pièce Wednesday, précédée de Fiona Apple et Criminal, un bloc de demande spéciale pour Jonathan. Merci, Joe. Merci, bien fin, Joe, bien fin. On aime ça. Bon choix. Non, sans blague, je m'attendais à pas grand chose. En à fait. Pire. Je savais pas à quoi m'attendre, c'est ça. Et puis j'ai été. C'est fin pour Joe, ça. Bien surpris. Non, mais j'aime ça. C'est un commentaire positif, François. Ah ouais. C'est pas de virer ça contre moi, quand même. Non, mais c'est. Ça a commencé bizarre. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, toujours assemblage requis, il est 7h33 et on va y aller avec une autre demande spéciale, pourquoi pas. Cette fois-ci, c'est une demande spéciale de qui, François? De qui? Oui. De Mathieu. Mathieu? Oui. Un autre gars qui s'appelle Mathieu. Un autre Mathieu, effectivement. Impossible. Ben, écoute, des Mathieu Plante, hein? Non, pas Mathieu Plante. Non, c'est pas Mathieu Plante, c'est Mathieu. Attends un peu, là, je sais aussi. Mathieu Mascotte. Ah! M-M. Mascotte. OK, comme François. Comme François. Mascotte. Ah oui, ben oui. Mon préf. Non, il veut entendre du Fanny Bloom, mais une pièce qu'on n'a pas encore entendue de l'album Apprenti Guerrière. On est habitué d'entendre en ce moment l'extrait Parfait, qui joue beaucoup. Bloom, il est dans le temps, parce que ça sortait hier, ça, officiellement. Exactement. Et tout le monde en parle en ce moment. Ça fait fureur. Et Fanny Bloom, talentueuse jeune femme, anciennement la pâte à rose, évidemment. Donc, on va entendre l'extrait « Ce que je voudrais » tout de suite à Assemblage Requis. Sur C'est fou. Oui. Oh, cool. Je me réveille. Fanny Bloom! Oui, Fanny Bloom, avec la pièce « Ce que tu voudrais ». Ce que je voudrais. Ce voilà. Que tu voudrais, Mathieu. Ce que je voudrais. Une autre demande spéciale au retour, mais pour l'instant, on prend une petite pause. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus. Quoi faire avec mon corps intoxiqué? Ariane Moffat et la pièce Mon corps sur son nouvel album Emma. Demande spéciale de, c'était qui cette fois-ci? Mathieu. Beau nom en passant. Oui, Mathieu Mascotte. Mathieu Massicotte. Donc, François, sur la page Facebook d'Assemblage Requis, encore une fois, tu nous as posté une autre vidéo là, parce que t'es drôle, puis c'est pas des affaires drôles. Hey, j'ai trouvé ça très drôle ce matin. En fait, c'est des façons plutôt désagréables de se faire réveiller. Je pensais qu'il y avait juste nous autres qui étaient capables de réveiller des jeunes d'une façon désagréable, mais non. Non. Il y a plusieurs façons de le faire et je pense que... On a inspiré bien des gens, je pense. Ouais. On déteint sur ton... Mais c'est très drôle, ça m'a fait bien rire ce matin. Donc, en fait, je l'ai posté... Entre autres, des affaires de trappe à souris, des affaires de trappe à souris, il y a des choses qui doivent quand même faire très mal. Là, que, hein, on... Des grosses boules de neige, le snap ses fesses. Là. Ouais, c'était des boules de neige ou des œufs? Ah, je sais pas, je pensais que c'était des boules de neige. Ouais, je pensais que c'était des œufs. Mais bon, ouais, c'est ça, où fusil à l'eau, l'éternel fusil à l'eau. Mais ça a d'être un drôle de couple, hein? Pas convaincu que c'est parce que elle aussi le réveille d'une façon plutôt désagréable. Ah, c'est très reprises. Équilibré, ouais. Chacun son tour, hein. Et ça dure 3 minutes et ça passe très vite. Ouais. Donc, à un moment donné, la fille s'en va coucher dans le salon, je pense. Ouais. Tellement qu'ils sont. Il y a un froid entre les deux. Ils se sont peut-être chicanés un peu, là. Peut-être, ouais. Donc, c'est sur la page Facebook d'Assemblage Requis, évidemment. C'est simple. On retourne en musique pour entendre Dr. Doug sur l'album Be the Void. Voici That Old Black Hole. C'est fou. Dans vos oreilles. Et plus tard, on parle avec plein de monde, hein. On a créé un monde, c'est fabuleux tout le temps. I tie my boots so tight. Under the Knife, The Rural Albert Advantage. Oui, j'adore cette pièce-là. Oui. J'adore cet artiste-là, d'ailleurs. Excellent choix, François. Merci, Mathieu. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt pour une deuxième heure remplie d'entrevues téléphoniques. Qui est-ce qu'on a en deuxième heure, François, sur le site? Hein? Oui, vers les 8h30, on reçoit Fabiola Toupin, porte-parole de 8h en spectacle. Et vers 9h15, on a la formation On a créé un monstre qui va nous parler des soirées cachées de C'est fou. Oui, ça c'est du bien. Groupe en général. On a hâte, on a hâte. Et en début de première heure, de deuxième heure, il y aura aussi la chronique C'est un fait. Alors restez avec nous. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89-1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 7 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Et dans cette deuxième heure, on a des entrevues qui s'en viennent, mais on va débuter avec C'est un fait juste après cette prochaine pièce que François nous a choisie. Oui, Gaslight and Them, que ça fait une éternité qu'on n'a pas entendu ici à Assemblage requis. Ouais. La pièce de 59 Sound. Bon, fait qu'on monte le volume à la radio à 59. Jusqu'à 59. Pas plus, pas moins. Non, mais moi, j'aime ça quand ça arrive directement sur un chiffre plein ici. 60. Un petit peu obsessif pour 59. Non! La formation Gaslight Anthem et la pièce de 59 Sound. Oh oui. Assemblage requis. C'est bien vrai. Avec mes yeux blancs. Mais François, je m'en fous. Merci. Hey, c'est un fait, ça. Ah ouais, ok, ben, ok. Ok. À vous, ça. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables à Assemblage Requis. On commence avec un fait sur Pink Floyd. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, savais-tu que David Gilmour a eu 66 ans hier, premièrement? OK, non, je savais pas. Pas tout à fait intéressant de parler d'anniversaire, d'habitude. Pas super la fin. Mais le nom du groupe Pink Floyd, tu t'es peut-être demandé d'où ça venait. Ouais? Ça vient de deux musiciens blues, Pink Anderson et Floyd Council. Ah, ouais? C'est de là que ça vient, Pink Floyd. Très bien. C'est intéressant, ça. Savais-tu que les parents perroquets nomment leurs enfants? Ah, ouais? C'est tout à fait vrai. Donc, on les connaît évidemment, les perroquets, parce que, bon, ils sont bons en communication. Ils sont capables d'imiter notre façon de parler de nous, à nous, les humains. Les scientifiques ont découvert que leurs capacités de communication sont encore plus impressionnantes qu'on le pensait. Donc, les perroquets nomment leurs enfants avec un genre de cri, comme une genre de signature. Un cri qui appartient à l'enfant. Ils utilisent pour communiquer avec eux. À chaque perroquet. Exactement. Donc, d'où est-ce qu'ils viennent, ces noms-là? C'est un petit peu similaire au nom des humains. Donc, ils leur donnent un son distinct pour pouvoir s'adresser à eux. Si, mettons, ils ont plusieurs enfants, même s'ils en ont juste un, ça va être un cri particulier pour cet enfant-là. Eh bien. C'est le fun. On reste dans les animaux. Pas dans les animaux. Dedans. En plein dedans. On passe pas trop de temps dans les animaux. Là. Donc, les chevaux de différentes couleurs dans le film Le Magicien d'Oz. Je sais pas si tu as vu le Magicien d'Oz. Ouais. Il y a des chevaux de différents. Ou un cheval qui changeait de couleur, ouais. Quelque chose de genre. Mais ça, c'était fait avec du. Et où? Du jello. Du jello, exactement. Tu savais ça? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de connu? Est-ce que c'est tout le monde ben, sait ça? Ben, en tout cas, je sais pas, j'avais entendu ça quelque part, mais. OK. Bon. Donc, parlons-en, les chevaux de différentes couleurs, comme ça, dans le Magicien d'Oz. Ils ont eu de la difficulté à trouver une façon de teindre les chevaux sans leur faire mal, parce qu'évidemment, toutes les organisations de protection des animaux, etc., auraient été vraiment fâchées si ça avait été le cas. Donc, ils ont trouvé la méthode, c'est de les couvrir de jello. Et même, si on regarde pendant le film, des fois, on voit les gens qui sont sur les chevaux les empêcher de licher le jello sur leur ah ouais, vrai? Poil. C'est ce que ça dit. Donc, voilà. Moi, je trouve ça bien. Eh bien. Dans certaines parties du monde, savais-tu que des fourmis sont utilisées pour faire des points de suture, pour fermer les cicatrices? OK. Des grosses fourmis. Afrique et en Amérique du Sud. C'est un peu dégueu. Un petit peu. Des grosses fourmis sont utilisées pour comme point de suture. Donc, on tient la peau ensemble. On met une fourmi qui va s'accrocher à chaque côté avec ses mandibules. Voilà. Et ensuite, on coupe la tête de la fourmi. Non, c'est ça. On coupe le corps et la tête reste accrochée à la plaie. OK. Voilà. Jusqu'à temps que la plaie se cicatrise. Exactement. Dégueulasse. Le botté d'une girafe est tellement puissant. Le botté. Pam, avec le pied, tu bottes, là. Okay, je savais pas que ça bottait, premièrement. Ben, ça botte. Ça botte des I clés. Like big butts, and I cannot lie. Donc, le botté est tellement puissant que ça peut décapiter un lion. Et là, on parle de décapiter dans le terme technique, là, parce qu'il y a une définition au mot décapitation. Décapitation, ça veut dire enlever le crâne de l'animal et le séparer de sa colonne vertébrale. C'est ça, littéralement, le mot décapiter que ça veut dire. Enlever la tête. C'est quelque chose, hein? Donc, une girafe peut facilement botter un lion et puis lui enlever sa tête. Aussi, d'autres faits sur les girafes, elles peuvent courir à des vitesses quand même assez impressionnantes, 34 000 à l'heure. Hein? Leur langue mesure en général 18 pouces de long, en moyenne, j'imagine. Et ils ont une des plus longues queues du royaume animal. Et puis, ils vivent pendant jusqu'à environ 25 ans. Et la période de gestation est de 15 mois. Eh période de gestation, 15 mois pour une girafe. Eh bien... C'est quand même long, là. Quand même. Kermit la grenouille a été la cause d'une situation d'otage. À cause de Kermit la grenouille. C'est l'homme qui est entré dans un studio d'une station de radio de Nouvelle-Zélande et a tenu le gérant de la place en otage jusqu'à ce qu'il accepte sa demande de jouer la chanson Rainbow Connection de Kermit la grenouille non-stop. Ça, ouais. C'est arrivé en 1996, donc en Nouvelle-Zélande. Et puis, ils ont joué finalement cette chanson-là, on dirait, de Kermit the Frog. L'homme de 21 ans demandait aussi à pouvoir parler aux auditeurs de la station de radio, sinon il allait faire détonner une bombe, faire exploser une bombe. On va faire sauter une bombe! Oui, avant que tout ça puisse arriver, la police est arrivée dans la bâtisse et puis ils ont arrêté le kidnappeur et la bombe a été trouvée. C'était une fausse bombe. C'est souvent ça, là. Un gars des accès. Il n'y a pas de chance après. Exactement. T'sais, tu joues pas avec ça, là. Tu joues pas avec ça comme tu mettrais ta main dans une grenouille. Tu joues pas avec ça. Hop, hop, hop, hop. Comme une marionnette. Non, c'est inacceptable. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Personne ne connaît les derniers mots d'Albert Einstein quand il est mort. Il était rendu fou? Non, il était pas rendu fou. Ça aurait été une bonne suggestion, mais non, c'est pas ça. En fait, c'est que, bon, le jour où il est décédé... En fait, okay, commençons par le début. Le jour avant sa mort, Einstein a refusé une chirurgie parce qu'il était malade. Bon, il a dit « Je veux partir quand je veux. Je trouve que c'est pas correct de prolonger ta vie artificiellement, surtout quand tu souffres. Donc, j'ai fait ma part dans ce monde. C'est le moment de partir. Je vais le faire avec élégance. » Donc, il a survécu jusqu'au lendemain matin. Il est décédé à l'âge de 76 ans. Par contre, juste avant de mourir, il a parlé, il a dit plusieurs mots en allemand, mais son infirmière ne comprenait que l'anglais. Donc, on ne saura jamais quels étaient ses derniers mots. C'était peut-être une formule qui révélait la source de la vie et la... Mathieu Plante. La raison d'exister. Ou hein? C'était peut-être bien des affaires, là. Ça fait mal! Ouais, moi aussi. Oui, j'ai fait caca dans mes pantalons. Peut-être. Une chose qui se peut. Peut-être pas. Les noix, les cachous. Tu sais, les cachous? Ouais. On aime ça, les cachous? Mm-hmm. C'est bon, les cachous? C'est bon. Savais-tu qu'on les trouve jamais en coquille en magasin? Est-ce que tu as déjà vu des cachous en coquille en magasin? Non. Ben, non. Sûrement pas. Non. Hein? Parce que c'est toxique au toucher. Ah, ouais, vrai. Oui, okay. La coquille est toxique. Donc, la coquille qui est toxique au toucher, similaire à du. Comment t'appelles ça? Du poison ivy, là, de l'herbe à. L'herbe à pousse? Je pense que c'est de l'herbe à. Pousse, c'est volatile, là. C'est du pollen, là. Ok. Je pense que t'as raison. Non, ben, puce. En tout cas, moi, je réagis fortement à ça, là. Ah, pour vrai? Oh, ouais. Ça t'est déjà arrivé de toucher à ça? Ouais. Et ça pique, mon ami, là. Je veux même pas savoir ça. Non, tu veux pas savoir. Non. Je trouve pas. Poison ivy. Sumac vénéneux. Sumac, ça doit pas être. Sumac. Ah, regarde, c'est comme du poison ivy. Bon. Donc, c'est natif en Amérique du Sud et ça vient de la pomme du cachou. Les noix de cachou sont la graine, le grain du. La graine, c'est ça, la graine du fruit, qui est la pomme cachou. Il y a seulement une noix par pomme cachou. Et quand la noix de cachou est grillée, ça détruit les toxines de la coquille et ça enlève. Dans le fond, ça empêche d'être toxique pour ta peau. Voilà. Eh bien, super, hein? Pompé, super. Carnegie Hall, est-ce que tu connais la place Carnegie Hall? C'est à New York, c'est un des endroits les plus prestigieux pour faire des concerts dans le monde. Carnegie Hall? Non. Bref, Carnegie Hall a un distributeur de pastilles pour pas que tu tousses pendant la performance. Ouais, on dit que c'est le rêve de plusieurs musiciens d'être assez bon pour pouvoir performer à Carnegie Hall. Carnegie Hall qui a été construite par Andrew Carnegie, qui est aussi le fondateur de ce qui est devenu Carnegie Mellon University. Il y a plusieurs artistes célèbres qui ont performé à Carnegie Hall et pièces de théâtre ou je sais pas, des concerts vraiment célèbres, de musique classique, etc. Ils ont pas de code vestimentaire là-bas, par contre, mais ils demandent qu'on comporte seulement des parfums subtils et des colognes, donc subtils aussi, pour pas déranger les gens. Les enfants sont bienvenus, OK, mais il faut les garder sous contrôle. Ouais, et j'imagine. On n'a pas le droit de faire du pendant une chanson, non? Quand tu connais là. T'as pas le droit non plus de taper les pieds. T'as pas le droit de rien faire. Ben, c'est pas que t'as pas le droit, mais c'est mal vu, tu sais. Ouais. Tu sais, si tu tapes des pieds puis tu le fais trop fort, tout le monde le fait, tac, tac, tac, tac, tac. Non, c'est pas le fun, c'est pas divertissant. Parce qu'il y a sûrement beaucoup de réverbération, des trucs comme ça. Donc, ça devient dérangeant. Et pour les pastilles, c'est des pastilles Ricola. Ricola! Comme ça. Mais ils disent de ne pas oublier de les développer, de les déballer avant le concert. Parce que du scrunch, là, oh pas plaisant, boy. Ça. Pas plaisant. Donc, beaucoup de règles à Carnegie Hall. Savais-tu que les publicités de bière aux États-Unis n'ont pas le droit de montrer quelqu'un en train de boire de la bière? OK. Mais nous autres non plus au Canada, je pense. Non, je crois que non. Et je crois que dans les émissions de télé, t'es pas supposé non plus. Je sais qu'on le voit fréquemment. Ouais, là, je sais pas. Dans les émissions de télé, je sais pas, vu que c'est pas une pub, mais... je sais pas. T'as pas le droit de faire de la broue non plus. T'as pas le droit d'avoir plus qu'une bière par personne. Dans la main, mettons? Ouais, dans la main. Une bière à chaque main, chaque pied. Ouais. Non, mais tu sais, pour pas qu'un gars, tu sais, a l'air. Il est parti, mais il y a trois bières. Ouais, t'sais. Ouais. T'as d'autres montré de faire semblant que tu vas avoir un paquet de filles autour de toi quand tu bois de la bière. Ah, ça, mais ça, par exemple. C'est pas la même chose. Donc, si vous avez déjà remarqué en regardant une publicité télé, vous vous êtes dit, mais Colin, buvez-la donc, votre bière, ben, c'est une loi américaine et comme tu dis, ils canadienne. Ils peuvent pas! Ils n'ont pas le droit. Ils peuvent pas. Aucun des acteurs a le droit de consommer le produit. Pour plusieurs raisons. La première est que les publicités de bière, pardon, ont commencé à être à passer à la télé pendant la prohibition qui était en train de se terminer. Et les grosses compagnies avaient peur que les téléspectateurs trouvent que la consommation d'alcool soit trop moralement genre incorrecte. Okay. Donc, ils empêchaient de montrer des gens en train de consommer de l'alcool. La deuxième raison, c'est pour les mineurs. L'âge légal pour boire a été augmenté à 21 ans. Et donc, le gouvernement pensait que trop de mineurs verrait ces publicités-là et que ce serait comme du lavage de cerveau. En réalité, c'est un peu stupide parce que, écoute, tu sais que ça se boit, là. Oui. Tu sais. Oui. Faut pas que ça ait l'air plaisant de boire ça, hein? C'est bizarre. C'est sûr. Tu sais, en plus, leur slogan, c'est genre t'en veux-tu une froide? C'est sûr. Ouais. Tu fais une pub justement pour que ça ait l'air plaisant. Puis, en tout cas. Ça se tient pas. Ça se tient pas. Je trouve ça bizarre aussi que le slogan de cette bière, de cette compagnie de bière-là que je parle, là, t'en veux-tu une froide? Tu sais, c'est dit tellement à la Québécoise, t'en veux-tu une froide? Tu sais, à la limite, c'est t'en veux-tu une frette? Mais ouais. Quand c'est écrit, par contre, c'est on veut-tu une froide? C'est ouais. Genre bien écrit. Je trouve ça bizarre. Tiens, on parle de genre masculin et féminin. Okay. Et genre, savais-tu que l'association du rose et du bleu aux filles et aux garçons a pas commencé avant les années 40? Jusqu'aux années 1900, les enfants de tous les sexes, les deux sexes, tous les sexes, toute la gang, il y en avait six, portaient à l'époque des robes blanches pour les garçons et les filles jusqu'à l'âge de 6 ans, juste parce que c'était plus pratique comme ça de recevoir des robes blanches. Les garçons ne se faisaient pas couper les cheveux avant l'âge de 6 ou 7 ans, un peu comme le bébé de Céline Dion. Ouais. C'est un petit peu ça. C'était pas important de connaître le genre donc de l'enfant avant cet âge-là, ça change absolument rien dans la vie. Goofy. Okay. C'est pas faux, ça change rien. C'est à partir de l'école, j'imagine? J'imagine que là, à un moment donné, tu devais choisir un bord. Par le nom, tu sais pas mal. C'est pas mal sûr, ouais, c'est pas mal sûr. S'il s'appelle Mathieu... Rarement est-ce que ce sera une fille. Rarement. Mais en même temps, tu sais, on sait, on entend de plus en plus parler à la télé avec des documentaires, l'idée que les enfants, des fois, tu sais, naissent pas du bon sexe, puis tu sais, les enfants se sentent... Il y a des enfants qui peuvent se sentir filles alors qu'ils sont déterminés comme étant garçons par leur entre-gen. Ouais. À un moment donné, c'est quelque chose qui doit... tu peux pas forcer l'enfant à porter des vêtements de garçon puis à faire des affaires de gars si c'est pas un... En tout cas, mais bon, ça, c'est un sujet ouvert à débat. Ouais, mais puis en même temps, il y en a qui se rendent compte que justement, c'est ça, c'est pas de mon sexe, puis ils ont 40, 50 ans. Exactement. Et ça, faut être conscient, puis faut pas stigmatiser ces gens-là puis les faire sentir comme s'ils étaient... débile, parce que c'est pas le cas. Non. C'est juste une différence et il faut accepter ça. Bon, non, c'est ça, exactement. Là, on parlait de couleurs, des sexes. Là, on disait donc qu'au début des années 1900, c'était des robes blanches. Donc, on a commencé à choisir des couleurs juste avant la Première Guerre mondiale. Et là, les couleurs qui ont été choisies au départ étaient le contraire de ce qu'on a maintenant. À l'origine, on disait que le rose était la couleur forte. C'est la couleur pour les garçons. Alors que le bleu, c'était une couleur plus délicate qui était plus pour les filles. D'accord? À ce moment-là. Et les magasins à grande surface ont vraiment adopté cette idée-là. C'était vraiment rose pour les garçons, bleu pour les petites filles. C'était comme ça. Jusqu'aux années 1940, où là, l'industrie, pour une raison que j'ignore... On va faire de l'argent. On va faire de l'argent, on va virer ça de bord. Il va falloir tout racheter du linge pour chaque chèque. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, les couleurs ont changé de bord. Intéressant. Il y a une fille qui voit tout comme si elle regardait un kaléidoscope, François. C'est déplaisant. C'est Burton. Daniel Burton qui voit la vie à travers un kaléidoscope ou presque. C'est à cause d'un désordre rare qui s'appelle Persistent Migraine Aura, donc l'aura de la migraine persistante. C'est un désordre qui fait que tout ce qu'elle voit est immensément distorsionné de différentes couleurs et de différentes formes. Donc on peut s'imaginer un kaléidoscope, même si c'est pas littéralement ça. Il y a environ, on dit qu'il y a 20 autres personnes, seulement 20 autres personnes dans le monde qui ont ce désordre-là, en tout cas que c'est reconnu et qui se sont fait diagnostiquer avec cette maladie-là, ce désordre-là. Et jusqu'à récemment, les docteurs comprennent absolument rien. Donc, Daniel voyait parfaitement bien jusqu'à l'âge de 19 ans. Ensuite, tout a changé. Lorsqu'on l'a testé, on lui a fait passer des examens. Les docteurs disaient que ses yeux étaient normaux et qu'elle devrait être capable de voir. Par contre, en l'inspectant, un petit peu plus que ça, comme un char, ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Les docteurs ont depuis déduit qu'un nerf dans son cerveau est pris. Est comme pognée dans un état qui fait qu'elle a des migraines constantes. Donc, ça distorsionne sa vision, ce qui est un des symptômes des migraines. Ça doit être atroce. Incroyable. Donc, Danielle a perdu sa vision il y a environ 6 mois. Elle l'a regagnée. Elle a retrouvé sa vision pendant une heure. C'est bouge. Et puis, c'est reparti. C'est revenu comme en kaléidoscope. Ça va peut-être revenir un jour. Peut-être. Peut-être pendant quelques heures. Une heure par année, jour de l'an. Party, je vois comme faux. Hey, après 18 bières. Hey, imagine. C'est bizarre. Ouais, vraiment. C'est quelque chose. On parle de Lego maintenant. Seulement 18 Lego par million ne passent pas le test de qualité. Hein? Donc, un taux de c'est bon. Un taux de qualité. Un taux de non-qualité de 0,00002. Je sais pas si j'ai mis assez de 0 %. Donc, il est quand même assez impressionnant. Donc, ça veut dire que le contrat... Le contraire, pardon, est un taux de succès, 99.0002. Peu importe. Donc, ils font passer plusieurs inspections aux Lego. Les machines font tomber des Lego, les tordent, des tests de tension, de compression, des tests de morsure, des tests d'impact. Oui, c'est vrai, pour voir que si les blocs sont sécuritaires pour les enfants. Donc, les Lego sont placés dans différents sacs, sont pesés pour s'assurer que les bons morceaux aillent au bon endroit, finalement, qu'il y ait le bon nombre de morceaux de chaque forme dans chaque emballage. Les Lego, la plupart des Lego sont fabriqués et envoyés de la République tchèque. Check one two. C'est fait la boule? Et du Danemark, oui. En fait, ça dit packaged and shipped, donc emballé et envoyé. Je sais pas si ça veut dire qu'ils sont fabriqués ailleurs. Ou être fabriqués en Chine. Peut-être en Chine. Les usines produisent 33 000 Lego par minute. Et tabarouette. Ah, ils en vendent en tabarouette, hein, des Lego. Ça doit être parmi les jouets les plus vendus. Ah, ouais, je pense que oui. Et un dernier, un allergologue. Est-ce qu'on dit un allergologue? Oh, je sais pas. Le mot, je crois, qu'est-ce un allergologue. Un gars qui dans le fond, qui étudie, ou en tout cas qui est docteur en allergie, a passé 60 ans à faire craquer seulement sa main gauche. Évidemment, ça ne craquera pas le matin. Il n'y a rien qui craque. Il fallait que je me sorte les pieds. Non. Craque-toi, craque. Pas grand-chose le matin. Oh! De temps en temps. Pas pire, ça. Donc, elle ne s'est fait craquer que les doigts de la main gauche pour prouver que c'est pas une mauvaise chose, que c'est pas mauvais pour toi. Donc, on dit souvent, tu sais, il y a la vieille phrase qu'on dit, « Fais pas craquer les doigts parce que ça va te faire de l'arthrite. » Donc, il voulait prouver que c'était faux. Pas vrai? C'est pas vrai. En tout cas, selon lui, là. Donc, une des études les plus convaincantes vient de ce gagnant du prix Ig Nobel. C'est comme la parodie des prix Nobel pour les études les plus stupides. Donc, docteur... moi, je trouve pas si stupide que ça en passant. Docteur Donald Unger, qui a passé presque complètement 60 ans à faire craquer seulement les jointures de sa main gauche. Il a commencé parce qu'il voulait prouver à sa mère qu'elle avait tort. Depuis le départ, donc depuis 60 ans, il n'a jamais fait craquer sa main droite. Il a dit donc que ce serait vrai. Si ça avait été vrai, que c'était pas bon, sa main gauche serait remplie d'arthrite, sa main droite, non. Donc le docteur a maintenant 83 ans et dit qu'il n'y a aucun signe d'arthrite dans aucune de ses deux mains. Et sa recherche lui a donc fait gagner le Ig Nobel. Et voilà. De quoi? Le Ig Nobel, c'est le prix anti-Nobel, si on veut, le prix des études les plus stupides. OK. Les plus bizarres. Bon, au moins, il l'a fait. Les moins nécessaires. Ben, tout à fait. Puis, je veux dire, c'est pas comme si ça prenait ben du temps à ne pas faire quelque chose, genre. Ouais. Genre, ben, tu sais, ne pas faire craquer sa main droite, juste la main gauche, la main gauche. Peut-être t'entends, par exemple. Tu sais, quand oui. Tu commences à te faire craquer une main, c'est plaisant. Il semble que tu y vas sur l'autre aussi. Mais est-ce que t'aimes ça, toi, de faire craquer les mains? Ouais, j'ai pas ça. Je l'ai fait à tous les jours. Ouais. C'est le fun. Mais, tu sais, maintenant que je sais que ça ne fait rien, il va le faire encore plus. Hein? Ouais. Bon. C'est pas dangereux. Voilà pour la chronique, c'est un fait. C'est aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On va l'entendre du Band of Skulls. Voici The Devil Takes Care of His Own. Et plus tard dans l'émission, dans quelques minutes à peine, on a deux entrevues pour vous. On va voir Fabiola Toupin qui va nous parler du QTR en spectacle 2012 et aussi la formation musicale On a créé un monstre pour parler des soirées cachées. C'est fou, qui s'en viennent très vite. Facile. But the strength of 10,000 will never weaken me. Which is like a razor blade, you cut me half and half. Oh, I better wait to kill the time. Didn't you read it in the details? Takes care of his own. Do you dare to speak his name? There's evil at the root. Cruel or kind, it's on your mind. Go on and give the dice a roll. Never did believe in saying fortunes are foretold. Easy come and easy they will go. Didn't you read it in the detail? That if you're idle and you're welfare, now you wanna know an answer. But if you're dancing, you're a dancer. Didn't you read about it? Oh. takes care of his own. This is WQRX. That was a new hit, but really? Rudy? J'aime ça. C'était Foxy Shazam et la pièce Holy Touch, assemblage requis sur l'album The Church of Rock'n'Roll. On aime ça. On aime beaucoup ça. C'est beaucoup d'entrain ce matin. Oui, on aime ça. On se lève avec de l'entrain, toujours. Pourquoi pas. Parlant d'entrain, tout à l'heure, on va avoir deux entrevues à vous présenter. Évidemment, il faut vous dire qu'on n'aura pas Jasmine Raymond-Drinville et Anne-Julie Durocher. On va être de retour la semaine prochaine pour ceux qui s'attendaient à ça et qui là se disent « Mais où est-ce sont? » Non, pas ce matin. Non, du tout. C'est la journée où on a personne. Les autres jours de la semaine, sérieux, personne nous a laissé tomber. Non, ça va bien. Et demain, je pense que Simon Fitzbay et François Landry seront présents. Oui, exact. Donc... C'est intéressant. C'est très bon. Mais pour l'instant, on prend une petite pause, puis on vient avec Fabiola Toupin pour parler de QTR en spectacle. C'est là. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. L'amour en cage n'est pas pour moi. Dans la liste infinie des fleurs, moi je choisis la libertia. Tu m'offriras des nymphéas à moi qui suis un peu narcisse, et tu seras mon Adonis ou mon talon d'Achilléa, couché dans la campanula. Devant tes yeux myosotis, j'effeuillerai les daturas, lovés sur ton corydalis. Te faufilant à cognito, pour rentrer dans ma bergeria, tu te perdras dans les arômes de mon doux paradisea. De tes souples digitalis, tu me joueras petite fleur quand tu m'auras à Marilis sous le halo de Kaluna. Pardonne-moi mon cœur d'être impatience, l'amour en cage n'est pas pour moi. Dans la liste infinie des fleurs, moi je choisis la libertia. Une perle de Montserrat tombant sur ma corbeille d'or, un simple geste de jasmin, la centoline de ton corps. Je partirai sur les pavots, rubans de bergères au vent, pensées légères au fil de l'eau, mélancolie de mon amour. Pardonne-moi mon cœur d'être impatient, l'amour en cage n'est pas pour moi. Dans la liste infinie des fleurs, moi j'ai choisi la libertia. Fabiola Toupin et la pièce Libertia à Assemblage requis à 8h31 en ce mercredi matin. Oui, exactement. Et puis, tu parlais de Fabiola Toupin. Écoute, on l'a présentement au bout de la ligne. Bon matin. Bon matin. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, très bien, merci. Fabiola Toupin qui est porte-parole pour UQTR en spectacle. Oui. C'est exact? Absolument. Et puis, oui. Cette année, en fait, c'est la 8e édition. Mm-hmm. C'est quoi UQTR en spectacle pour les gens qui connaissent pas ça, là? Le UQTR en spectacle, ça s'inscrit dans la même initiative que Cégep en spectacle, dont on a entendu parler beaucoup, là, parce que Cégep en spectacle, ça fait plusieurs années que ça existe. Ensuite de ça, il y a Secondaire en spectacle qui emboîtait le pas. Puis là, ben, pour boucler tout ça, il manquait juste les universités pour pouvoir faire en sorte que le trajet se poursuive jusqu'au bout. Alors, UQTR a vu le jour, UQTR en spectacle a vu le jour, c'est ça, là, il y a à peu près, tu disais, 6 ans? 8 ans. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est la 8e édition cette année. Oui, oui, oui, tout à fait. Et puis, si je me trompe pas, là, UQTR en spectacle là, à Trois-Rivières, je pense que c'est une université qui s'inscrit là, depuis les tout débuts de la formation du UQTR en spectacle. Et puis, ben, c'est un concours qui permet aux étudiants à l'université d'exprimer leur talent, qu'ils étudient dans cette branche-là ou dans une autre branche. L'idée, c'est de pouvoir exprimer des talents qu'ils ont dans toutes sortes de domaines. Ça peut aller du théâtre à l'humour, à la danse, au chant, l'interprétation, la composition. En autant que ce soit une forme d'art d'expression francophone, okay. Eh bien, la scène est à eux et puis on leur permet de nous présenter leurs talents. C'est fait sous forme de concours, naturellement. Il y a une première, deuxième, troisième position. Mais l'idée de base au départ, c'est de permettre aux étudiants d'inscrire à leur cheminement universitaire, scolaire, je te dirais, la possibilité d'exprimer leur talent, de pouvoir découvrir qui ils sont dans toute leur palette de possibilités. Comme je te disais tout à l'heure, là, qu'ils décident de faire quelque chose avec ça ou pas, l'idée, c'est de pouvoir exprimer ce talent-là puis de rajouter comme ça à la diversité de la vie étudiante à l'université. Et puis, peut-être que ceux qui gagnent ou des personnes qui se démarquent davantage, éventuellement, on pourra peut-être en entendre parler dans le futur, mais une chose qui est sûre, c'est que c'est une belle expérience de scène dans des conditions professionnelles aussi, ça c'est important, sur une scène avec des bons techniciens, ça nous permet de les apprécier dans les meilleures conditions possibles. Et devant un bon public aussi. Ah ben ça, on le souhaite toujours, mais habituellement, les publics étudiants, peu importe que ce soit secondaire, cégep ou université, habituellement, c'est des publics conquis d'avance. Ça, c'est certain. Il y a toujours une super belle ambiance dans ces concours-là. Moi, j'ai vu QTR en spectacle à quelques reprises, puis il y a toujours une super bonne ambiance. Fait qu'on souhaite que le public soit d'aussi bonne qualité cette année. Espérons-le. Et puis, tu parlais justement, en fait, là, des gagnants des éditions précédentes. Oui. Ingrid Saint-Pierre en fait partie. Oui, c'est ça, exactement. Je voulais des noms. En fait, est-ce que tu connais un peu les gens qui avaient gagné auparavant? Écoute, je pourrais pas te nommer des noms comme ça, mais c'est vrai qu'Ingrid Saint-Pierre fait partie, en tout cas, de ceux dont on entend encore parler aujourd'hui. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui se démarque avec différents spectacles qui font une carrière avec leur talent. Là. Ingrid, effectivement, c'en est un exemple assez criant. On entend parler d'elle beaucoup en ce moment. Son premier album fait beaucoup de bruit. Puis déjà, avec QTR en spectacle, ce qu'elle présentait comme chanson, ce sont des chansons qu'on retrouve sur son premier album. Alors pour elle, là, c'était une expérience de scène supplémentaire pour lui donner là le peu de vent dans les voiles. Et puis l'appréciation du public, puis en plus l'appréciation du jury, ça c'est toujours bienvenu, surtout quand on sait qu'on veut faire ça dans la vie. Ouais, je pense que pour Ingrid, dès le départ, là, je pense que c'était clair pour elle qu'elle voulait tenter sa chance dans ce milieu-là. OK. Et puis pourquoi Fabiola Dupin s'implique pour écouter un spectacle? Ben écoute, moi j'ai fait cégep en spectacle à l'époque. Moi quand j'ai fait cégep en spectacle, le secondaire en spectacle n'existait pas encore. Okay. Si ça avait été le cas, j'aurais participé, ça c'est sûr. Pour moi, là, cégep en spectacle, c'était super important de participer à ça parce que moi, je savais que je voulais faire carrière en chanson. Même si je n'ai pas étudié en musique, pour moi, je savais que c'était pour prendre une place importante dans ma vie. Et puis, j'attendais le cégep pour pouvoir m'inscrire à cégep en spectacle parce que je le savais que c'était une opportunité pour moi de rencontrer des professionnels dans le milieu, de pouvoir me faire voir, me faire connaître, commencer à faire courir la rumeur un peu que Fabiola Dupin chante, essayer de voir aussi ce que ça plaît. Ça plaît-tu au public? Est-ce que je vais réussir à me démarquer auprès du jury? Ça s'était très bien passé. Je m'étais rendue, moi, jusqu'à la grande finale nationale quand j'ai fait cégep en spectacle. Ça avait été très, très bénéfique pour moi. Par la suite, j'avais rencontré plusieurs professionnels, j'avais suivi des stages de formation avec des professionnels qu'on nous avait rencontrés dans la nationale. Alors, quand on m'a demandé d'être porte-parole pour QTR en spectacle, pour moi, c'était naturel de pouvoir prêter ma voix puis de promouvoir un événement comme celui-là. Même si j'ai jamais fait QTR en spectacle en tant que tel, la démarche est semblable, les objectifs sont les mêmes aussi, de faire de la diversité culturelle dans le milieu scolaire, de faire en sorte que les étudiants puissent s'exprimer à leur pleine grandeur, peu importe, comme je te disais, qu'ils fassent ça ou non dans la vie. Fait que pour moi, c'est important parce que je trouve que l'expression artistique, le côté développer son côté créatif, pour moi, c'est une corde à son arc qui est importante de développer, peu importe le métier qu'on fait dans la vie, parce que je pense qu'on est toujours appelé à être créatif. Puis c'est aussi développer un sens oratoire, c'est aller face aux gens, être capable de voir si on a une capacité de rassemblement, si on a une voix qui porte, on est capable de divulguer un message. Je trouve que c'est des valeurs importantes, moi, à inculquer dans un milieu scolaire, peu importe le degré. Ouais, quand on m'a demandé d'être porte-parole pour QTR en spectacle, pour moi, c'était tout naturel de dire oui, puis de pouvoir supporter peut-être la possible relève de demain. Je sais pas, je connais pas les concurrents de cette année, mais peut-être que comme Ingrid, il y en a cette année qui vont se démarquer, dont on va entendre parler dans les années prochaines. Ouais, tout à fait. Pour moi, tout ça mis ensemble, moi, ça correspond à mes valeurs. Pourquoi aussi je fais le métier, c'est important, je trouve, de supporter des projets comme celui-là. Parfait. Et c'est quand, c'est où, UQTR en spectacle? Alors, UQTR en spectacle, là, ça va se dérouler au Théâtre du Cégep. Ça va se dérouler le 15 mars prochain. Ça commence dès 19h. Et puis, pendant la délibération des juges, moi, je serai en prestation musicale avec mon complice de mes premières heures, Manu Trudel. Et puis, on va faire quelques chansons le temps que les juges délibèrent. Mais ça va se passer le 15 mars à 19h au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. OK. Bon, formidable. Et puis, je vois ça, en fait, là, sur Internet. La première position aura la chance de se faire entendre son talent à l'occasion du Festivois de Trois-Rivières. Donc, ah bon? c'est le prix. C'est un beau prix. Hey, là, c'est un beau prix, ça. C'est intéressant. Oui. Le Festivois, ça a un beau rayonnement. Il y a plusieurs personnes qui passent. Je ne sais pas sur quelle scène il va. Ah, c'est pas mentionné, par exemple. Ah, peut-être la scène de la relève. Peut-être une première partie sur la grande scène. Qui sait? Mais déjà, de pouvoir avoir puis une porte d'entrée déjà pour un gros festival comme le Festivois, si le gagnant décide de faire ça éventuellement, il sera déjà connu des programmateurs de ce festival-là. Donc déjà, ça peut ouvrir des portes pour être dans la programmation officielle dans les années à venir. Puis c'est un très, très beau cadeau. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Et puis pour une première expérience, c'est génial. On ne peut pas demander mieux. Ah oui, tout à fait. De pouvoir déjà jouer dans des conditions professionnelles au Théâtre du Cégep, qui est, soit dit en passant, pour ceux qui ne sont jamais allés encore, une salle extraordinaire. Oui, c'est très beau, là. C'est beau, ça a été rénové. Moi, je me souviens quand on avait fait ce Cégep en spectacle, c'était pas dans la nouvelle salle. Non, c'était pas dans les mêmes conditions du tout. Fait que là, vraiment, ça vaut la peine de profiter de la salle. Pour le public, ça, c'est super agréable, c'est confortable, l'acoustique est magnifique. Et puis pour les participants, c'est formidable aussi. C'est vraiment une belle scène avec des belles loges qui ont été aménagées en haut. C'est vraiment une belle salle, ça vaut la peine d'aller voir ça. Écoute, on rappelle la date et l'heure? Alors, on donne rendez-vous le 15 mars prochain à 19h. Je ne sais pas combien il va y avoir de participants. D'après moi, il va en avoir à peu près 8, si ma mémoire est bonne. Oui, exactement. 8, ouais. Hein, c'est ça, 8? Ouais. Donc, 8 participants pour la 8e édition. Et puis, tout ça va se dérouler peut-être en deux parties ou en une seule partie. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont organiser ça. Okay. Mais pendant la délibération des juges, Manu et moi allons offrir une petite prestation musicale aux gens qui seront sur place. Alors, bienvenue à tous. Venez découvrir le talent de nos universités. Formidable. Et est-ce que ça coûte quelque chose pour y assister? Oui, sûrement qu'il doit y avoir un prix d'entrée. J'ai pas le montant exact, mais j'ai le souvenir que toutes les prestations, que ce soit Cégep en spectacle ou Quitter en spectacle, ça coûtait un petit quelque chose. Il y a des prix d'entrée. Ça doit être des prix populaires, là. Ça me surprendrait. Ouais, ouais, ouais. 35 $ pour aller voir Quitter en spectacle. D'après moi, c'est un prix populaire, là, qui permet l'accès facilement à quiconque a envie d'aller voir cette compétition-là. Formidable. Merci beaucoup, Fabiola Toupin. Ça me fait plaisir. Merci à vous. On va se quitter avec une autre pièce de Fabiola Toupin. C'est Plus de haine. Est-ce que tu veux nous parler juste rapidement de cette pièce-là? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Oui, en fait, c'est surtout Plus de haine. Parce que si on dit Plus de haine, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez. Ah, voilà. Faut le savoir. Je suis pas encore au stade de promouvoir la haine à ce point-là. En fait, c'est une chanson, c'est un texte d'un Français qui s'appelle Claude Lemel, qui est un auteur très très connu et reconnu, en fait, parce qu'on les connaît pas, les auteurs. Mais Claude Lemel a écrit, entre autres, tous les plus grands succès de Joe Dassin. Il a écrit des chansons pour Reggiani, pour Gilbert Bécaud, des chansons qu'on connaît. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans mes tournées en France dernièrement, et il m'a fait l'honneur de m'offrir ce texte-là. En fait, c'est un texte qui dit que peu importe aujourd'hui les gens qui me font du mal, ils sont chanceux parce que je n'ai plus de haine à leur donner, parce que c'est fait, mon réservoir est vidé, donc j'essaie d'être plus tolérante et puis d'essayer d'offrir plus des bons sentiments aux personnes qui m'entourent. C'est pour ça que ça s'appelle Plus de haine. Très bon message. Merci beaucoup, Fabiola. Merci beaucoup. Plus de haine à Assemblage. J'ai déversé tout le dégoût du monde comme une citerne qui tout fait, tout cassé, tout défait. Plus de haine dans mon coffret. J'aimerais bien t'en vouloir, mais t'arrives trop tard. Plus de haine dans mon réservoir. De haine de Fabiola Toupin à Assemblage Requis. On rappelle que QQTR en spectacle a lieu le 15 mars prochain au Cégep de Trois-Rivières, c'est à 19h. Et on parlait des juges, on voulait savoir c'était qui le jury. Jeannick Dufour, chanteuse et comédienne, Annie Gélinas, chanteuse, Mathieu Cyr, humoriste, David Gélinas, directeur artistique et Joanie Duquette, animatrice radio. C'est eux le jury de QQTR en spectacle le 15 mars. Et Fabiola Toupin est la porte-parole de ça. Dans quelques minutes, on va parler avec quelqu'un de la formation. On a créé un monstre des événements, les soirées cachées, c'est fou. Mais pour l'instant, on les écoute. On a créé un monstre. Voici 5.0 au 89 FM. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 9h. La pièce 5.0 dont on a créé un monstre à Assemblage Rocky, c'est sur leur album L'Iceberg. Et si vous écoutez C'est fou depuis quelques jours, vous avez peut-être entendu parler des soirées cachées C'est fou. Ça commence le lundi 12 mars prochain à 22h à un endroit secret à déterminer. Et on peut révéler pour une des premières fois que la formation On a créé un monstre va être là pour cette première soirée. Et on reçoit François, qui est le chanteur de la formation On a créé un monstre. Bonjour. Bonjour, bon matin. Merci. Ça va bien? Ça va bien certainement. Vous? Oui, très bien, merci. Donc, la formation On a créé un monstre qui sera en spectacle, c'est ça, le lundi, le 12 mars, à 22h ici, dans un local, comme Mathieu disait, un peu caché, sombre, hein? Caché. Nébuleux. Écoute, on peut s'attendre à quoi pour ce spectacle-là? Ben, nous, c'est notre spectacle, évidemment, c'est une soirée qu'on se fait, qu'on se paye la traite, c'est un party pour nous. Puis, en plus, pour ce spectacle-là, on y va avec une formule un peu spéciale, comparativement au spectacle qu'on donne, c'est qu'on va venir un peu en formule un peu plus acoustique, si on veut. OK. Donc, c'est un peu un trip qu'on se paye, dans le fond. OK. Est-ce que tous les membres vont être là, oui, du groupe? Oui, ouais, tous les membres vont être là. C'est juste qu'on traque nos guitares électriques pour une guitare sèche, des instruments un peu plus acoustiques. OK, formidable. Ouais. Et puis, ça va durer combien de temps? Est-ce que... Le spectacle en tant que tel? Ouais. En principe, ça devrait être une heure de performance. OK. C'est à peu près ça, habituellement, qu'on offre en spectacle. Je pense que pour cette formule-ci, c'est ce qu'ils nous a demandé aussi. Là. OK. Fantastique. Et puis, écoute, la formation, on a créé un monstre. Je sais, en fait, vous venez de sortir un album, ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça fait pas si longtemps. Écoute, c'est quoi votre processus de création? Comment ça fonctionne pour vous autres, en fait? Comment quoi dans le groupe? Ouais, c'est ça, exactement. Ben, en fait, ça, c'est une très bonne question, puis on pourrait en parler très, très longtemps. Tu vois, par exemple, ces temps-ci, on est en train de composer déjà pour un deuxième opus. Okay. Puis, je pense qu'il n'y a pas une manière vraiment de fonctionner. Le premier album, c'est sûr que c'était des airs, des mélodies accumulées depuis un certain temps, donc c'était facile de construire autour de ça. Présentement, on part de rien, ce qui fait que si dans le premier album, j'arrivais avec des airs, des paroles et tout ça, le groupe faisait en sorte qu'on montait des chansons. Et c'est pour cette fois-ci, ben, on commence avec totalement rien, ce qui fait que il n'y a pas vraiment de manière de fonctionner, de faire. Je pense que chaque chanson a un peu son fonctionnement, sa création personnelle, si on veut. OK. Et vos inspirations, ça peut ressembler à quoi? Ah, ben, écoute, c'est très, très large. On a un gros background punk rock, si on veut, dans le temps. Okay. Quand j'étais plus jeune, on jouait de la musique qui ramassait un peu plus. Okay. Puis, on est des gens super ouverts sur la culture qui se fait au Québec. On adore tous le français. T'sais, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on chante en français. Puis, ça peut passer je sais pas, de Marc-Pierre-Arthur, dernièrement, qui vient de sortir un album, à The Weaker Dance, un groupe canadien, oh, okay. À Millen Collin. C'est peu importe. On écoute pas mal, je dirais, de n'importe quoi. Là. Formidable. Formidable. Écoute, y a-tu d'autres spectacles qui s'en viennent pour vous autres? Ouais, là, rapidement, j'ai pas les dates comme ça, okay. Mais au cours du mois de mars, on se promène dans les cégeps, on fait des performances le midi pour égayer nos étudiants. Puis par la suite, ben, évidemment, il y a d'autres dates à confirmer, mais beaucoup de spectacles s'en viennent pour l'été. Puis on va promener notre musique, aller faire danser, taper des mains les gens qui veulent bien nous suivre et nous s'amuser avec nous, en fait. Ouais. Tantôt, on a entendu la pièce 5.0. Qui est sur le palmarès francophone en ce moment. En fait, elle a quitté. Je crois que ça va être une autre pièce qui va embarquer bientôt, mais bon. Okay. 5.0, ouais, on s'en fout un peu. L'important, c'est que vous ayez une pièce dans le palmarès tout le temps. C'est ça? C'est l'important. Ah oui. Parce que c'est ça, quand vous sortez un album bon comme ça, on ne peut pas s'empêcher d'utiliser chaque pièce à bon escient. Caroline, merci. C'est ça. Donc, cela étant dit, 5.0, qu'est-ce que ça représente pour le groupe, cette pièce-là, et pour toi en particulier, c'est l'attachement à cette pièce-là, 5.0? Ouais, ben 5.0, c'est quand même particulier parce que, justement, ça parle un peu de notre coin de pays, d'où on est tous originaires sur le Tracy, qui n'est pas très, très loin de Trois-Rivières, évidemment. Puis, dans notre coin, ben c'est ça... Ça raconte seulement l'histoire d'une personne qui suit le cours d'eau. Si vous connaissez un peu sur la Tracy, vous savez qu'il y a les 103 îles et on peut longer le Saint-Laurent. Puis c'est vraiment... il y a des moments où c'est le fun de faire une promenade d'auto puis de se laisser aller, puis mettre la musique, écouter la musique. Puis des fois, on s'en rend même pas compte. Moi, ça m'arrive tellement souvent. La toune est tellement bonne, je m'en rends pas compte que je dépasse de 40 km/h parce que j'étais trop dedans ou... ça arrive pas trop souvent, là, mais quand même... juste, c'est se laisser aller, c'est être... c'est un moment personnel, un moment tout seul, avec la musique dans son auto, je pense, c'est ça. Cool. Si jamais je te demandais de choisir une pièce comme ça sur l'album que tu affectionnes particulièrement, sans aucune limite, aucune balise, là, pour se quitter tantôt, qu'est-ce que tu choisirais? Parce que c'est ce que je te demande, c'est pas comme si c'est juste une question hypothétique. Non, non, non. Mais rapidement, j'aurais tendance à dire Dorval, qui est une de nos pièces très, très fortes, Dorval. C'est une pièce qu'on adore tous dans le groupe, puis c'est une pièce que je pense que les gens apprécient particulièrement. Puis je peux pas vous en dire trop, mais éventuellement, on travaillera un peu plus autour de cette chanson-là, donc ça peut être une bonne introduction. Parfait. Donc, ce sera deux des pièces que vous allez jouer au spectacle des Soirées Cachées, c'est fou, qui ont lieu le lundi 12 mars à 22h. On rappelle que l'endroit va être déterminé, je sais pas si c'est la dernière minute ou le dernier jour, sur les médias sociaux. C'est question de créer un engouement et un buzz autour du fait que c'est caché. Je pense qu'il y a un bon buzz, là, présentement. Oui. Okay. Donc, déjà, nous, on a très hâte. On sait même pas si c'est où, d'ailleurs. On a très hâte de l'apprendre. Et, partez votre GPS direction locale XXX du pavillon XXX. Exact. Donc, on va l'entendre la pièce d'Orval dans l'écrit un monstre. Merci beaucoup, François, le chanteur de la formation. Oui, merci. Merci beaucoup à vous. On se renseigne sur vous, évidemment, sur Internet. Très simple. Et on se voit lundi, le 12 à 22h. Super, on s'invite à venir nous rejoindre. Oui, merci. Certainement. Salut. Bye. Corps que l'on discernait plutôt dérangeant. L'aéroport est bondé de gens embarrassés, comme un timbre qui s'apprête à être transporté. Toi, tu t'accroches au bout de mes lèvres, et si je savais dire les bons mots au bon moment. C'est fou de croire, pareil, que cette pièce-là, Dorval, on a créé un monstre, commence à avoir un petit buzz autour d'elle, mais nous, on jouait ça sur nos ondes. Ouais, ça fait longtemps. À l'été 2008. Ça fait longtemps. Sur leur maxi de trois pièces. Donc, on a créé un monstre, on faisait jouer ça tout le temps. Et c'est pas la même version sur leur nouvel album L'Iceberg. Ils ont fait quelques petites modifications, mais c'est vraiment excellent. On a créé un monstre, une de nos formations préférées, c'est fou. Et on rappelle que les soirées cachées, c'est fou, mettant en vedette, on a créé un monstre. Ça commence lundi, le 12 mars à 22h. Un endroit à déterminer qui sera évidemment révélé. Ou révoilé, comme vous le voulez, sur Facebook, entre autres. Hein? Mm-hmm. Ailleurs, sûrement aussi. Nous, ben, ça va être la fin de notre émission pour aujourd'hui. On va se retrouver demain avec tout le monde. Finalement, tout le monde va être là demain. Simon et François. Oui, Simon, François, Landry. Donc, on va parler politique et on va parler de DJ. Non, je sais pas, on a fini sur les DJ. C'est fini? Je crois que ça va être sur juste l'historique musical. Comme toujours, un nouveau thème à chaque semaine pour Simon Fitzbé, okay. Sa collègue Phénomène. Formidable. François Landry, ben évidemment, sûrement de la CAQ. Hein? Ouais. Et qui ont de la misère à avoir du financement, que j'ai entendu entre les bras. Pas facile. Pas facile. On aura aussi, on va résoudre vos problèmes dans 5 minutes, mais ça devrait pas. On l'a, c'est dans l'émission de demain. Va nous créer des problèmes, tu veux dire. Bah, c'est certain, c'est certain. Restez sur nos ondes. Notre prochaine émission, c'est. Est-ce que c'est ESPN de gars? Est-ce qu'ils ont lieu cette semaine? Je suis pas sûr. Non, ils sont d'accord. Pas là cette semaine. Ils sont au jeu. Jeu de la communication. Ouais, c'est ça, jeu de la com. Donc à 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. Puis plein d'autres choses, sûrement, dans la journée. Et différents styles musicaux. Voilà. Exact. Cif.ca pour la programmation. Fiez-vous pas trop là-dessus. Et assemblagerequis.com pour du bon contenu. Non, assemblagerequis.com, c'est notre site web pour les notes de l'émission et les balados diffusion. Passez une belle journée. Merci à François, le chanteur dont on a créé un monstre. Je pensais que tu me remerciais, moi. Tout. Merci à Fabiola Toupin, porte-parole du Client en spectacle 2012. Merci à tous ceux qui ne sont pas représentés. À Julie Durocher de la GEQTR. Non, pas merci à eux autres. Pas merci. Jasmine Raymond-Drainville. Ils seront de retour les deux la semaine prochaine. Voilà. Espérons-le. On se quitte avec Hallways de Islands. Bonne journée! Bonne journée! Bye, bye, bye, bye! C'est bon, ça! Mais là, tu sais...